10,000 حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 1000 جزء أو أقل أو أكثر قوة قيمة غير صحيحة. يعني ce que disent à notre époque, que comme quoi la Sunna, il y a beaucoup de hadiths inauthentiques qui sont rentrés dedans, on voit bien que l'Imam Hakim à son époque et autres, ils avaient répondu à ces chelouhats, si vous voulez, à ces calomnies. Donc, celui qui se perfectionne dans le kitab Sunna, en vérité, il se guide, Dieu le guide, à trouver la bonne réponse à l'événement qui arrive, à le bon jugement au sujet de l'événement qui arrive. Et c'est pour ça que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, c'est-à-dire que votre imam, votre gouvernement, soit le meilleur d'entre vous. Et que le meilleur d'entre vous, c'est l'ilm pour l'amal. D'abord dans la science, deuxièmement dans les lois. Et c'est lui-même qui a dit, radiallahu anhu, inna ala al-haqq nura wa ya'rifuhu sahibuhu idha sami'ahu. C'est-à-dire, la vérité est accompagnée de sa lumière, de sa splendeur. Et cette splendeur-là, on la reconnaît que le prophète, si tu veux, celui qui suit la vérité. Et celui qui suit la vérité, il reste par là le savant. Sahib al-haqq, c'est en priorité le savant, idha sami'ahu. Et pourquoi cela? Parce que ce savant, ce sont eux qui connaissent le mieux la Kitab et la Sunna, le Coran et la Sunna. Donc, il va savoir mieux ce que Dieu a choisi pour l'individu. Et j'ai dit, il était dit, Ikhtiyarullahi khayrun laka min ikhtiyarika li nafsik. C'est-à-dire que le choix que fait Dieu pour toi, moins que le choix que tu fais pour toi-même. C'est pour cela que Dieu a établi Salat Istikhara, c'est-à-dire de prier compris quand on veut, par exemple, voyager, ou bien accomplir n'importe quelle action, comme par exemple un mariage, ou bien un commerce qu'on veut entreprendre, une affaire qu'on veut réaliser. Alors, c'est bien connu, l'individu prie deux rak'at et demande à Dieu de choisir pour lui. Donc, nous savons. Connaît mieux que quiconque autre ce que Dieu choisit pour l'individu. Et c'est pour cela que le fait de suivre le savant dans la chose la plus importante dont dépend la sécurité des gens, c'est-à-dire la politique, il faut revenir au savant sur cette question importante. Et c'est pour ça, Imam Shatibi dit dans l'Ihtisan, premier volume, page 361, بل إذا عرضت الموازن رجع بها أصولها فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد ولا يجدها من ليس بمجتهد وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. C'est-à-dire, quand parmi les choses nouvelles, ou bien quand un malheur s'abat sur la nation, ou bien toute chose nouvelle en général, qui arrive, un événement qui arrive à la nation, c'est le savant qui sait bien juger cette question. C'est le savant qui sait bien orienter les gens. Et ceux qui ne sont pas savants, ceux-là ne peuvent pas bien porter leur jugement. De la même façon, quand l'individu sait que le diable ouvre 99 portes du bien à l'individu pour qu'il tombe dans une seule porte, pour qu'il rentre par une seule porte, alors on se rend compte de l'importance du savant qui connaît bien les portes par lesquelles entre le diable. Tout le monde connaît les livres des savants qui ont été édités, par exemple, dans ce domaine, comme le livre d'Ibn Jawzi, par exemple, le livre d'Ibn Qayyim, de Rasul Hassan, et aussi un livre très important dans le domaine d'Ibn Qayyim lui-même, I'lam al-Muqirin, qui parle de l'importance du savant et comment le savant sait bien